L'heure Macpar sur Métropole. 11h03. Très bien de rester en ce registre, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, c'est la musique de Michel Molliard-Montagne et puis des paroles de Oswald Durand. C'est un poème de Oswald Durand, évidemment, revisité par Réginald Policard et la voix de Jeff Policard pour l'interprétation. Mesdames et messieurs, c'est un extrait de l'album Boarding Pass de Réginald Policard ou encore Encuentro, si vous le préférez. Il est exactement 10h23. Le secret de la réussite passe par la connaissance. La connaissance nous permet de prendre des décisions éclairées. Les décisions éclairées mènent à des actions plus efficaces. Les actions efficaces améliorent notre expérience de vie. La vie en ligne est devenue une partie intégrante de notre quotidien. Notre quotidien est transformé par la puissance d'Internet. Internet nous connecte à un monde d'opportunités et de ressources illimitées. Illimitées, c'est Access IT. Access IT, un monde illimité. You are the one for me, for me, for me, formidable. Vous êtes intéressé à un master en ligne? L'Université Notre-Dame d'Haïti vous propose son programme de Master en Business Administration, MBA, avec un enseignement assuré par des professeurs qualifiés haïtiens et étrangers. Le MBA de l'UNDH vous offre la possibilité d'obtenir une double diplomation avec l'Interamerican University de Porto Rico et un diplôme de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Cette formation vous permettra de développer de nouvelles compétences et vous propulsera au top du monde professionnel avec des qualifications académiques exceptionnelles. Vous aurez aussi l'opportunité d'échanger avec des professionnels d'entreprise en République dominicaine et à Porto Rico en fin d'études. Intéressé? Vous pouvez appliquer si vous détenez déjà une licence universitaire de n'importe quel domaine avec un minimum de 5 ans d'expérience de travail. Pour information et inscription, visitez notre site web le www.mba-undh.edu.ht ou appelez au 48 84 88 88. Le MBA de l'Université Notre-Dame d'Haïti, en route vers l'excellence managériale. Formidable. En tête ma tour. Chaque grand dynamo. Un chiquet timoso, lève nous sous ma étau. Bout de fil grippé poteau. Bimote, bimoto. Soubeki tout kobo. Un brisé colbosso, rêve-nous à points au clos. Ti planti cal détail, ti zing tout suite détail. Bigandai, n'a vénéré jimai, n'a boucanté l'espoir. Des blousai, ti planti cal détail, ti zing. Biganai, n'a vénéré Jimai, n'a boucanté l'espoir. Sous batterie, la vie en scénarie. Passe pour qui parti pris, maladie, maladie. Lève nous en pacotille. Tête cuite à plein bobèche. Yon blackout pain bêche. La vie prend ta lumière, bref, nous pas jouer une bouche. Mise-nous canalisée, rien nous dit qu'il est. planti kal detay Tizing tou zwi Retay Pi ganday Nap vene rejimay Nap boukante l'espoir Te plozay Ti planti kal detay Tizing tou zwi retay Vene rejimay Na boukante l'espoir acoustique de Delco de Jimmy Jean-Félix. Et là, mesdames et messieurs, on porte beaucoup plus d'attention encore sur les paroles de Pascal Jean-Wiener, bien sûr, et qui donne donc une nouvelle dimension à cette texte, bien sûr. Et puis, bon, Jimmy Jean-Félix et sa guitare au sommet de son art, on va dire, hein, toujours tout à fait remarquable. Bravo Jimmy, bravo Pascal Jean-Wiener, mesdames et messieurs, il est 10h31. Les titres de l'actualité à la demi de l'heure. Une courtoisie, Unibank. Unibank, faisant route ensemble. Nouvelles sanctions en vue pour des acteurs impliqués dans la déstabilisation d'Haïti. Lors d'une rencontre avec le premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé, le sous-secrétaire d'État américain Christopher Lando a soutenu que le pays était un fardeau pour les pays de l'hémisphère. Le haut diplomate américain réitère néanmoins l'appui des États-Unis à la mission multinationale de sécurité, insistant sur l'intérêt de son pays pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti. Renouvellement du mandat du BINU, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2785. Cette dernière prolonge le mandat du bureau donc de l'Organisation des Nations Unies en Haïti jusqu'au 31 janvier 2026. Et puis Haïti, une priorité pour la sécurité générale de l'OEA. Albert Rendim a dévoilé une feuille de route concernant la situation en Haïti, articulée autour de 5 piliers, dont la sécurité et la stabilité, la démocratie et les droits humains. Puis réforme constitutionnelle, l'ancienne constituante Chantal Hudicourt-Ewald critique certaines dispositions de l'avant-projet de constitution et plaide pour un encadrement strict des régularisations appropriées. Les titres de l'actualité à la demi de l'heure. Une courtoisie, Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Allô, ici Unica. Bienvenue au service à la clientèle. Passez un instant, s'il vous plaît. Nous voulons vous faire plaisir. Nous sommes là pour vous servir. Votre appel est important pour nous. On va prendre soin de vous. Vous avez choisi la bonne carte. La Unicard. Vous avez choisi la bonne carte. Celle qui prend soin de vous. Vous avez choisi la bonne carte. Ici, Tidjo Zeni. Je suis fier d'avoir comme vous choisi la Unicard. La carte préférée d'Haïti. Pour la qualité de ses produits, pour son accueil 5 étoiles, pour son grand réseau de services à travers les succursales Unibank et Unibank Online. Vous avez choisi la bonne carte, la Unicard. Qui te pendje nos fenêtres, hey. Cherchez signal internet. Qu'on y amène à Inet. Yon vitesse illimitée, hey. Mauvais temps pas fait le tomber. Hey. Inet pas de cassette. Fatima, Aïnet c'est internet, pam, et pas de cassette. Service la garantie, et on a bon prix, parce que dans les trois points de vente Aïnet. Et puis, mandez Aïnet, Paola. Aïnet, c'est ça net. Service internet, Paola. Télétra, Haïti GPS, à force songer, que précaution pas capon, que c'est mettre coq véhicule. Télétrac Haïti GPS, quoi l'investissement? Et c'est pour ça, la offre au service GPS à tout propriétaire qui investit dans machine, autobus, camion, tracteur, moto et latrier. Comme ça, à Télétrac Haïti GPS, ou à suivre l'investissement. Tout partout, le bon coup mauvais route, la journée coup dans nuit. Que c'est sous laptop, tablette, téléphone, à Télétrac Haïti GPS, famille ou employé ou business ou à toujours en bas. Télétrac Haïti GPS, pas de route, pas bois. Relé, Télétrac Haïti GPS, kounye dans 47 70 48 48. Très bien, notre mardi acoustique qui se poursuit, mesdames et messieurs. Et là, on a eu donc la version acoustique de Delco. Et voici la version française de Si, que vous connaissez bien sûr des paroles de Pascal Jean Wiener. Et puis aussi, bien sûr, la musique de Bito Vaoba, comme vous le savez, mesdames et messieurs, avec la participation de la voix de Béatrice Sébaton, mesdames et messieurs, qui va donc nous proposer une version française de ce fameux Si que vous connaissez très bien. Allez, bonne écoute. Whoa. poubelle les haillons sont détruits. Si je tends la sépine qui m'endort à l'ONU, ma vie sans lendemain, si Haïti se meurt, oui, tu l'as étripé, tu lui as vidé son sein, tu l'as trop exploité, tu lui as crevé les yeux. Du fond de l'enfer, des tréfonds de Lucifer, alors de siècle en siècle, tu deviens avare. Oui, tu l'as étripé, tu lui as trop exploité, tu lui as vidé ses seins, tu lui as prouvé ses yeux, des fous d'enfants de l'enfer, de tréfonds de titane. Oh oh oh oh oh. Avec la voix de Béatrice Sivaton, mesdames et messieurs, on reviendra bien sûr pour vous parler de ces musiciens qui sont à côté donc de Béatrice et voir comment est-ce qu'on pourrait donc faire la répartition des tâches, on va dire, 10h42. Bonne nouvelle, mes amis, Star 2000 ouvre un nouveau local dans Claircine VA, tout près à l'aéroport. Pour satisfaire la population en plus toujours, dans l'espace là, on va jouer market, service boucherie, pharmastore, ou endogène santé, stand café, pour venir pour un petit goûter avant le travail, pour soir réuni à collègues. Sous table pour un petit chocho tout, ah, sans problème, on va jouer Manigram, Soge Express, Western Union, Unitransfer, Cam Transfer et La Trier. Et ou même parent, ou quand même les petits tout, venir pour un petit plaisir tout, parce qu'il y a un parc pour tout le monde jouer en toute sécurité. Qui donc, gen ni pour grand monde, ni pour petit monde. Vin pour satisfaction pour là. Star 2000, c'est la caisse. La perte d'un de vos proches vous affecte énormément. Alors laissez les entreprises funéraires Alcero MacArthur Alma se charger de toutes les formalités entourant les funérailles. Accueil dans des salles climatisées. Services funéraires efficaces, personnel compétent et qualifié, Alma Alcero MacArthur Pompes Funèbres offre un accompagnement sûr et incontournable à vos êtres chers jusqu'à leur dernière demeure. Alma Alcero MacArthur, deux adresses. Delma 77, numéro 345, en face de la BNC, 703, boulevard 15 octobre, centre commercial, Bellevue 7. Téléphone 34 97 58 55 37 30 62 82 43 33 54 47. Bon, alors oui, comme je vous le disais, mesdames et messieurs, pour la présentation, je vous le disais, donc il y avait Béatrice Sivaton pour le chant, évidemment, sur les paroles de Jean-Wilner Pascal et la musique de Bito Vaoba, traduction donc en français de Jean-Wilner Pascal, évidemment, Et puis, la voix de Béatrice Sébaton. À la guitare, il y a eu Nicolas Attier, pardon. Et flûte traversière, Léa Molina à la flûte. Puis, Jean-Christophe Rofast à la basse et Jeff Ludovicus à la batterie. Voilà, mesdames et messieurs, des interprétations faites donc pour votre plaisir, tout simplement, de retrouver la version française donc de Psy, que vous connaissez très bien. Alors, ce sera donc la dernière semaine du Festival de Montréal, comme vous le savez, donc le Festival international Nuit d'Afrique, qui a débuté depuis le 8 juillet. Donc, ce sera donc du 8 au 20 juillet, et ça se poursuit donc aujourd'hui encore, donc Montréal qui danse et chante au rythme d'Afrique, des Antilles, d'Amérique latine. Donc, il y a toute une richesse à découvrir et tout cela, hein, cet été à Montréal, qui propose donc des moments inoubliables du 8 au 20 juillet. 39e édition donc du Festival international Nuit d'Afrique, qui vous plongera d'ailleurs dans un tourbillon de découvertes avec plus de 700 artistes, dont Jean-Jean Roosevelt, mesdames et messieurs, tous ces gens venus d'une trentaine de pays, dont Haïti, à votre rencontre. Et puis, bien sûr, pendant ces 13 jours, de concerts en salle et 6 jours de programmation gratuite en extérieur, voilà, et des grands nombres d'artistes nationaux et internationaux qui sont de nouveaux talents qui relieront donc sur scène pour les performances extraordinaires, dont le duo Avoua, mesdames et messieurs. Voici Abigo. Que a gente às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós. E que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito, eu sei, semeia. De novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito, eu sei, semeia. De novo esse sorriso que é abrigo teu. Só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós. E que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito, eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Contra a dor que mora no teu peito, eu sei, semeia de novo esse sorriso que é meu. Le duo Avoua, mesdames et messieurs, avec la version acoustique de Abrigo. Où t'as remis? Pour toujours être clair? Et puis, vous cherchez une belle pelinette de qualité sans ou pas perdre du temps? N'a présenté au quatrième magasin, nous look lunettes là qui chita colle dans le complexe de l'Imort, Delma 32. Yon linetterie qui là pour prendre soin géo, à qui yon consultation sous place, dans un espace qui propre, côté wap jouen, bouge en service. Dans nous look lunettes, wap capable faire examen ou sous place, et wap jouen linette ou paré dans seulement 24 temps. Nous gen linette qui à la mode, et qui confortable, sans compter, prix accessible à tout le monde, et nous prend assurance. Pas perdu temps, passez Kounia, la nouvelle adresse nous qui c'est Delma 32, dans le complexe de l'Imortlan, ou bien relé dans 2915-8900 pour prendre rendez-vous par là. Nous look lunettes, campez bon côté ou, pour vision toujours claire et pour à l'aise dans peau, parce que vision, c'est priorité nous. N'abtan nous et nous prêts pour nous accompagner ou. Nous look lunettes, la bonne vue, à bon prix. Si jodi a, mwen ka gratte guitar. Sans sélection. Si jodi a, mwen ka fè moun danse. Sans sélection. Yon seul côté, tout musicien allé. Sans sélection. Tout moun ensemble, nous chante en cœur. Sans sélection. Nous avons tout à Sans sélection. Guitare. Saxophone, trompette, keyboard, amplificateur, speaker. Sound Selection, deux adresses, 340 route de Delma et Pétionville, angle Rumani et Villatte. Téléphone 28 14 50 50. Du linge propre, léger, aux senteurs d'été, blanchisserie du soleil. Des vêtements bien pressés, impeccables, blanchisserie du soleil. Dotée d'appareils modernes et de réseaux informatiques fiables, la Blanchisserie du Soleil satisfait même les plus exigeants. Votre linge est traité avec le plus grand soin et vous est remis à temps et à neuf. Sur votre parcours, repérez l'enseigne de la Blanchisserie du Soleil à la rue Panaméricaine à Pétionville ou sur la route de Frères, centre commercial Tanis Jumel. Blanchisserie du Soleil, pour des vêtements qui durent plus longtemps. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, donc le festival de théâtre à Avignon, qui est donc qui bat son plein actuellement, avec beaucoup de représentations. Notamment, il y a eu donc l'hommage à Indalsoun, la chanteuse égyptienne, et puis celle aussi à Jacques Brel, de chorégraphe qui rend hommage à Jacques Brel. Donc, je vous en avais parlé au cours de notre émission. Et puis, pour Radio France Internationale, eh bien cette année, ce sont 143 textes provenant de 22 pays pour la grande majorité africains et qui s'offrent donc à la découverte, puisqu'il y a la découverte puis sélection, donc tout cela. Les 7 auteurs et 5 autrices présélectionnées proposent donc un théâtre de la lutte, un théâtre frontal, prosaïque, mais aussi poétique, à la langue imagée et à l'oralité puissante. Le nom du ou de la lauréate sera donc connu en septembre. Ce sera donc le dimanche 28 septembre. Je vous souhaite une très belle journée en compagnie de Radio Métropole. Je vous laisse avec Azaf, un hommage à Guy Durosier. Si well en Haïti, dit-elle. Allez, au revoir, belle journée à vous tous. Si well en Haïti, dit tout un mime bonjour. Ou a dit au moins vivant, moins potim, très bien, m'a fait chanter toujours. Si ou allez en Haïti, ou avalé ou maman. Ou a dit, c'est pas vrai, moi pas dans prison, m'a fait chanter toujours. Ou a dit, c'est mes 10 ans, mal panant. Qui parle l'autre bagaille, puis ou fait, que dénigré professionnel. Yo même y a vendre poussière. Moi-même, moi, vent soleil, qu'on brille, yo winé, yo fini. Si ou allez en Haïti, dis tout un mime bonjour. Ou a dit au moins vivant, moi, poté, très bien, m'a fait chanter toujours. Si ou allez en Haïti, ou avalé, ou maman. Moi dis dit c'est pas vrai, moi pas dans prison, ma paix chante toujours. Moi dis c'est mes 10 ans, mal palan, qui parle l'autre bagaille, puis on fait que dénigré professionnel. Yo même y'a bonne poussière, moi même moi bon soleil. Si ou moins vivant, moins poté, très bien, ma paix chante toujours. Si ou allé en Haïti, ou avalé ou maman. Moi dis, c'est pas vrai, moi pas dans prison, ma paix chante toujours. Moi dis, c'est mes 10 ans, mal parlant, qui parle l'autre bagaille, puis au fait, qui dénigré professionnel. Yo même y a vendre poussière. Moi même moi bon soleil, comme brille yo iné, yo fini. Si ou allé en Haïti, dis tout un même bonjour. Moi dis au moins vivant, moi côté m'prévient. Les heures. 5 minutes avant l'heure, Métropole vous informe. Une courtoisie de la Unicart et Economic Tires. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier lundi à l'unanimité la résolution 2785 prolongeant le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 31 janvier 2026. La résolution maintient l'ensemble des dispositions des résolutions précédentes, notamment les sanctions mises en place par les résolutions 2699, 2700 et prolongées par la résolution 2752. Le Conseil exprime aussi son intention d'examiner rapidement les recommandations formulées par le secrétaire général en février 2025. Sur les options futures d'engagement de l'ONU en Haïti. L'organe onusien insiste sur l'importance d'une solution haïtienne dirigée et portée par les Haïtiens eux-mêmes pour sortir durablement de la crise. Le secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdin, place Haïti au cœur de ses priorités et appelle à une action régionale coordonnée pour sortir le pays de la crise. Dans une interview accordée au journal jamaïcain Sunday Gleaner samedi dernier, il a exprimé sa vive inquiétude face à la crise multidimensionnelle qui frappe le pays. « J'ai fait d'Haïti une priorité », a-t-il affirmé. « Toutes les valeurs fondamentales de l'OEA, démocratie, droits humains, sécurité, développement, sont aujourd'hui menacées en Haïti, faute d'un gouvernement légitime. » Pour répondre à cette urgence, le responsable annonce son intention de relancer le groupe des Amis d'Haïti au sein de l'OEA et de travailler de concert avec la CARICOM. Albert Ramdin a dévoilé les grandes lignes d'une future feuille de route haïtienne articulée autour de 5 piliers avec un objectif central, la sécurité. Nous devons garantir l'accès des populations vulnérables à l'aide, sécuriser les ports, rouvrir les routes. Sans sécurité, rien n'est possible, a-t-il insisté. Le secrétaire d'État adjoint Christopher Landau a rencontré hier le Premier ministre haïtien Alix Didier-Fizemé afin de discuter des efforts en cours pour établir la sécurité et promouvoir la stabilité politique en Haïti. Le secrétaire d'État adjoint a réitéré que la crise sécuritaire en Haïti constitue une menace pour la sécurité régionale et nationale. Les deux responsables ont souligné l'importance de rétablir l'ordre constitutionnel et de renforcer les capacités des institutions démocratiques haïtiennes. Il a exprimé l'appui des États-Unis à la mission multinationale de soutien à la sécurité, tout en insistant sur la nécessité d'un meilleur partage des responsabilités. Le secrétaire d'État adjoint Landau a également réaffirmé l'engagement des États-Unis à traduire en justice ceux qui compromettent la stabilité d'Haïti. L'ancienne constituante Chantal Udico-Evald plaide une fois de plus pour que le pays soit doté d'une nouvelle constitution. Invitée à la rubrique Le Point hier lundi, l'avocate a fait savoir qu'il y a plusieurs points qui doivent être revus, notamment en ce qui concerne la séparation des trois pouvoirs. Maître Udico-Evald juge que la nouvelle constitution ne résout pas du tout les problèmes posés par le Parlement. Entre le maintien de l'immunité et l'absence de sanctions contre l'absentéisme, l'ancienne constituante estime que rien n'est fait pour lutter contre les stratégies d'obstruction et les abus divers dont certains parlementaires se sont rendus coupables par le passé. Et Maître Chantal Udico Eval juge que l'abaissement de l'âge d'éligibilité à 21 ans est une mesure démagogique. Elle appelle à la mise en place d'un autre critère d'éligibilité dans la mesure où bon nombre de jeunes sont encore scolarisés à cet âge. Elle appelle en outre à faire de la question de l'accomplissement fiscal une formalité indispensable à tous les niveaux pour se présenter à une élection tout en limitant les possibilités de régularisation ultérieure. Les habitants de Solino continuent de réclamer des mesures concrètes de la part des autorités en vue de faciliter leur retour dans leur quartier d'origine. Lors d'une mobilisation organisée dimanche dernier pour attirer l'attention des dirigeants sur l'urgence de reprendre le contrôle de Solino, plusieurs personnes ont été blessées après avoir été renversées par un véhicule au niveau de Delma 32 suite à une altercation entre des manifestants et des policiers résidents de la zone. Bien que cet incident ait interrompu le mouvement, les protestataires affirment qu'ils sont déterminés à poursuivre leur mobilisation jusqu'à ce qu'ils puissent réintégrer leur communauté. Et puis, d'importants dégâts sont enregistrés dans plusieurs camps de fortune au centre-ville après les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale durant le week-end. Au centre d'accueil érigé au local de l'OPL, les eaux en furie ont emporté plusieurs tentes abritant les personnes réfugiées ainsi que leur linge. La situation est similaire dans plusieurs autres abris provisoires. Les réfugiés ont donc lancé un cri de détresse devant l'ampleur de la situation. Toutes les heures, 5 minutes avant l'heure, Métropole vous informe. Une courtoisie de la Unicart et Economic Tires. Vous avez dit facilité. Mais l'option QR paiement de la Unibank est disponible sur Unimobile. Un virement sur compte de tiers devient plus simple. Vous avez dit quoi? Rapidité. Virer des fonds instantanément sans avoir à enregistrer un bénéficiaire. Il suffit de vous connecter sur Unimobile. Scannez le code généré sur le téléphone du bénéficiaire et la transaction est effectuée en temps réel. Le QR paiement sur Unimobile se veut une nouvelle alternative au cash. L'application Unimobile est disponible en téléchargement sur App Store et Play Store. Si vous voulez un tutoriel sur comment réaliser cette transaction, visitez notre page YouTube Unibank SA. Unibank, faisons-vous ensemble. L'autre jour, je croise mécanicien dans ma quête. L'ab dit, oh oui, il n'y a pas longtemps. Mon cher me dit, zamim ou pas pour même. Parce que depuis que je commence à mettre l'huile coune dans la machine, je ne suis pas dans le garage encore. Parce que l'huile coune, c'est l'huile de qualité supérieure qui sort dans le pays, la Hollande. Avec bon prix, les bon pour toute moteur, diesel ou gasoline, moto, génératrice, bateau, machine, 4x4, petit camion, gros camion, loader, machine industrielle. Mes amis, l'huile coulant, il protège ni machine ou ni poche. Et puis s'il vous plaît, l'huile transmission, l'huile frein, l'huile différentielle, coulant tout oui. Regardez, mécanicien là, sous mes croisés, VM l'embral dans ma quête. Tenez papa, l'huile coulant, tonton. L'huile coulant vend en gros et en détail dans Economic Tires à tout distributeur autorisé. Pour bien tirer à qui j'en ai les. Facile pour bien tirer à qui j'en ai les.